Désir cannibale répond à des pulsions, à des envies, à des fantasmes d'un autre temps. J'avais envie, à travers ce thème, raconter l'idée d'artistes qui sont dans des pulsions, dans des fantasmes, des envies de conquérir le monde, de penser et de se penser le monde tel un prédateur. Ce sont des artistes qui ont moins de 40 ans, qui émergent à l'international et qui aujourd'hui s'édifient dans les plus grandes institutions de l'art. C'est un mouvement qui est en marche, ce sont des artistes qui ont faim de reconnaissance. Alors cette exposition commence par Atta Djalewa, précurseur de la performance en Guadeloupe. Il propose ici une série de photos restitutives d'une performance. C'est à travers son corps qu'il va pouvoir exprimer différents questionnements comme la grève aux Antilles, l'identité, la politique. Voilà, il va pouvoir interroger le monde à partir de son corps. Alors ici, on arrive dans l'espace consacré au travail de Samuel Gélas. Tout son travail est basé sur l'animalité chez l'homme. On peut voir ici des personnages, des photos de famille, des photos de classe où les animaux sont clairement identifiés comme une nature humaine. Alors Cédric Hicham, il propose ici une sélection de 10 photographies. C'est un moyen en fait pour lui de capturer, de cannibaliser l'autre et d'y trouver sa propre expression à travers l'autre. Il a tout juste 30 ans et son travail est déjà très mature. Il donne comme ça un ton assez doux, calme, poétique et en même temps d'une violence vraiment intéressante. On approche le travail de Kelly de façon très, très délicate. Elle nous attire à travers des couleurs très attrayantes. Et c'est lorsqu'on découvre le sujet qu'on se rend compte qu'elle est tranchante. Elle est descendante de travailleurs indiens engagés. Et tout ce paradigme autour de son identité, elle le déploie dans son expression artistique. Alors ici, on commence par une installation de Minia Biabiani, qui elle est la plus jeune des artistes. Elle décline une poétique des lieux à partir de matériaux qu'elle triture et qui vont l'inspirer pour dénoncer en fait les traces qu'ont laissées la colonisation, le capitalisme, l'impérialisme. Alors ici, nous sommes face aux œuvres de Ronald Searle, dit B-Bird, qui est assez décadent, assez transgressif. Ce travail, il est vraiment sorti de la rue. C'est pour lui récurrent en fait, de graffer dans la rue. J'aime à penser que le cannibalisme, c'est lui. Il cannibalise les rues, il cannibalise tous les supports, il est en constante cannibalisation. Cette installation est présentée par l'artiste Jérémy Paul, qui lui vit à Paris. Son travail est une poésie érotique, où il assemble des éléments, plusieurs éléments, pour créer une histoire. Ici, c'est le travail de Stick. Stick, qui est un graffeur connu, reconnu en Guadeloupe. Et notamment à l'international, puisqu'il est champion du monde de body painting. Il propose ici une peinture dévoratrice. Dans ce diptyque, on reconnaît tout de suite le président des États-Unis, avec lesquels il propose en fait une vision de l'impérialisme et de la domination. Alors ici, nous arrivons sur une fresque qui a été faite in situ par Tim Frager, qui est un artiste qui est né au Sénégal, qui a vécu au Mali et en Guadeloupe notamment. Cette œuvre, en fait, elle raconte un peu comment il est capable de fantasmer l'Afrique, de lui donner des formes esthétiques en relation avec la Caraïbe. Il y a une réflexion, il y a un geste cannibale à travers leur proposition artistique. Ils vont mélanger plusieurs médiums pour raconter une seule et même histoire. Et ils se donnent aucune limite.